Bonjour, aujourd'hui je vous parle de vie brisée. À force de n'être pas écouté, on perd l'usage de la parole. Quand le cœur est brisé, on ne vit plus. Le père Arnold a écrit « Le monde conspire continuellement avec Satan, son chef, et cherche les moyens de perdre les âmes. Comme il y a des épidermes délicats, il y a des cœurs qui saignent facilement. Mais les larmes des hommes coulent sur les joues de Dieu. » Et aucune vie n'est trop brisée pour être réparée. Roy Hessian a écrit « Lorsque Jésus s'approche d'une vie, il ne s'attend pas à trouver tout en ordre. La seule chose qui l'intéresse, c'est la restauration. Il ne vient pas avec un grand bâton, ce n'est pas un inquisiteur. Il ne vous fera pas la morale. Pourquoi es-tu tombé dans le péché? Pourquoi n'as-tu pas la joie? Non, il ne vous dit pas cela. Son seul désir, c'est votre guérison. » Aucune situation ne dépasse sa puissance de guérison. La renommée de Jésus lui vient du nombre de situations qu'il a refait, de problèmes qu'il a résous, de la vie nouvelle qu'il a accordée à ceux qui ont gâché leur existence. Peut-être êtes-vous brisé par la perte d'un bien matériel important. Écoutez le père Jean-Nicolas Gros. L'esprit de foi rend présente les choses du siècle à venir. Il transporte l'homme dans l'éternité, faisant disparaître devant lui le temps et tout ce qui passe avec le temps. Il inspire un souverain mépris pour ce que le monde estime et recherche avec ardeur. Il détache le cœur des biens périssables. Saint Augustin a écrit « Sans le secours d'une puissance supérieure, personne n'est capable de se dégager des embarras multipliés de si grandes misères. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » La Bible dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Dans le psaume 23, la Bible dit encore « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. » Si vous avez été touché par ce message, je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. « Oui, mon Dieu, je suis cette âme fatiguée, chargée et brisée. J'ai grand besoin d'être restauré, fortifié, relevé et ressuscité. Jésus, je t'accepte comme sauveur et seigneur sur ma vie. Je te suivrai comme la brebis suit son berger. Entre tes mains, je sais que je serai désormais en sécurité. Amen. » Je vous encourage à vous procurer une Bible et à en faire une lecture quotidienne. Je vous encourage également à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est toujours jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.